Je ne puis vous dire ce que je ressens à ce moment, à cet instant présent. Me retrouver à ses côtés m'enflamme. Je ne puis rester calme. Et je ne sais plus où mettre mes pieds quand je l'accompagne pour danser une valse qui ne s'arrête pas, qu'il faut suivre pas à pas. Et ba-la-ba-ba, ba-la-ba-ba-ba-ba. Arrive à me reposer dans un calme que ne puis exprimer. Un simple sentiment de liberté que je veux continuer. Mes musiques ne cessent de s'enchaîner et je ne puis toujours pas la quitter. Aucun moment ne semble monotone. Avec elle, je sors de l'automne. Et pour finir la soirée, cela dit, l'un des moments qu'au plus j'apprécie, un fougueux baiser qui reste gravé sur mes lèvres exaltées.